au placard mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant au bout du navire. Je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 juin 2021, voilà, et nous sommes là pour une nouvelle émission des Just. Donc ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu, hein, quand même, donc très heureux de retrouver les studios de Radio Gemozo. Christopher, aujourd'hui, est en technique. C'est ça, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. Yo-kiki. J'en profite pour souhaiter une bonne santé à Marion, qui est absente. Oui. Nous avons aussi Régine avec nous. Oui, voilà, je suis revenue. Régine, le retour. Hein? Il y a des absents, il y en a qui reviennent. Et puis, bien sûr, quels sont les jeunes qui sont là aujourd'hui? Il n'y a personne. Ah. Qui est là? Moi. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Camille. Sandy. Et en technique? Jédine. Oh. Et donc, Jédine, ça va? Oui. Ouais. Bon. Eh bien, nous allons tout de suite commencer par la chanson mystère qui a été choisie par Sandy. Christopher, merci. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Voilà. Oh, Eh bien, on démarre en fanfare, hein, Sandy. Et puis, on va d'ailleurs rappeler le numéro de téléphone de la radio, si quelqu'un trouve... Je sais pas. Tu sais pas? Qui connaît le numéro de la radio? Ou se rappelle du numéro de la radio? Vas-y, Camille. 03 29 62 40 40. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas. Est-ce que maintenant, Christopher, on peut appeler à la radio? Parce que par un moment, c'était pas trop possible. Bah maintenant qu'il y a personne, qu'il n'y a plus personne au téléphone, les gens peuvent appeler s'ils veulent échanger avec vous. D'accord. Ils peuvent, il n'y a pas de souci. Ok, super. Très bien. Donc, alors, on va peut-être commencer par les infos. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? Ça t'intéresse pas, les infos? Si. Ah, si. Alors, tiens, Zinedine, ils vont en donner une. Tu parlais de quoi? Du... Poney. Du... Fond. Du foot. Donc, il y a eu un foot... un match de foot hier soir, pardon. C'était qui, Zinedine? Enfin... La France, contre qui? Oui, c'est non qui... Tu sais plus c'est qui? La Qui? La Bulgarie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, quel est le résultat, Zinedine? 3 points. Ah oui, mais qui, 3 pour points? Qui? Franck. Franck. Bravo, hein? Est-ce que tu l'as regardé, au moins, le match? Non. Tu arrêtes, tu te tiens correctement, Zinedine, s'il te plaît. Voilà, tu vois, tu fais tout trembler, là. Hein? Bon, ben, merci pour l'info du foot. Régine, vous avez regardé le foot? Non. Non. Il y en a qui ont regardé? Non. Ah, Christopher, peut-être? Toujours pas. Oh, bah alors, bon, eh ben, on va dire personne. Mais c'est bien quand même de s'intéresser aux résultats. Oui. Hein? Et puis, alors, une autre info que Sandy nous a donnée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Sandy? Vas-y. Bon, t'écoutes. Bah, Emmanuel Macron, bah, s'est pris une gifle par quelqu'un. Ah bah, alors, Zinedine, ça le fait rire. On lui parle de claque, ça y est, ça le fait rire. Alors, pourquoi? Pourquoi il s'est pris une claque? C'était où, ça? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont entendu l'info? Non. Christopher, oui. Oui, j'ai entendu. Même, ils ont même encore parlé ce matin à la radio. Oui, ouais, j'ai entendu. Ouais. Ils n'ont parlé que de ça. Ouais. Principalement. Mmh. Ils ont parlé du couvre-feu aussi qui a repoussé aujourd'hui. Voilà, on pourra sortir plus tard, le soir. Et c'est qui Emmanuel Macron? Le président de la République. Très bien. Voilà. Lucie Cramou. Bon, trois-y. Non, pas une aussi grande, Zinedine. Petite. Une petite claque. Hein? Ah, c'était une grande. C'était une grande claque. Hein. Vous avez vu, Régine? Ouais, c'était une grande claque. Moi, j'ai pas vu. Oh, il s'est reculé quand même. Il a vu, il s'est défendu avec ses bras. Tu as vu la vidéo? Ouais. Ce matin aux infos. Ah oui. Ah, tu l'as pas vu, t'as pas vu les images? Si. Ah si? Si, ah. Les images. Puis toi, t'as été impressionné? Bon, ouais. Bon, ouais. En même temps, ça te fait rire. Ça t'a fait rire quand t'as vu ça? Oui. Ben surtout, ben. Hier soir, ben, on en parlait avec mes parents. Oui. Et. Puis ma mère, bah, elle avait rigolé. Ah. Ah oui, c'est gros. Voilà. Bon, bah, voilà, c'était les grandes infos du jour. Ça. Le foot et la claque que Emmanuel Macron a reçue. Bon, bref. Est-ce qu'on a le droit de donner une claque comme ça aux présentants? Non, oui. Zinedine. Non. Non. Camille? Non. Bah non. Tu dis oui, toi. Tu as raison, Camille. J'aime bien moi, là. On a le droit de ne pas être d'accord avec les personnes, ou enfin bref. Mais on ne doit pas donner des coups comme ça, des claques, ou quoi que ce soit. Ouais, c'est cramou. Imaginez-vous... quand vous êtes à l'IME, alors vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres. La seule façon de faire, c'est de vous donner des claques. Non. Bah non, on peut se parler quand même. Le dialogue, déjà. Zinedine, t'es d'accord? Oui. Bah oui, hein. Surtout que souvent, ça dégénère, hein. Quand ça commence comme ça... Il va faire de la prison, le pauvre. Ah oui? Eh bien sûr. Ah oui, donc... Que, bah, pour juste une claque, il va aller en prison. Ben oui, mais c'est pas à n'importe qui va donner une claque. C'est une agression, hein. Et de l'argent, il faudra qu'il paye aussi une grosse somme. Puis j'ai entendu dire qu'apparemment, ils étaient deux dans l'affaire. Celui qui a mis la claque et la personne qui a filmé. Oui. Ils vont tous les deux être jugés, passer devant le tribunal, tout ça. Ah, parce qu'il y en a un qui filmait spécialement... Oui, pour faire le buzz. Ah oui. Il y avait l'intention, hein. Oui. Ils avaient l'intention de le faire, ça n'a pas été spontané complètement. Prémédité, ça. Préméditation. Bon, allez, on passe... Donc, de quoi on parle en premier, tiens? On vous laisse le choix. De quoi vous voulez parler en premier? Paris. Paris. Alors, bon, c'est pas grave, hein, Régina, si on ne suit pas l'ordre. Ah oui, tout à fait. Alors, ben, pourquoi vous voulez parler de Paris? Il va pas aller. Parce qu'on va aller à Paris. Paris. Zinedine, tu vas aller à Paris? Oui. Oui? Tu peux arrêter de te balancer, là. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Boulot. Tu vas voir quoi? La chambre. Le château, oui, de Zinedine. Versailles. De Versailles. Non. Zinedine, tu es déjà allée à Paris? Non. Non? Qui c'est qui est déjà allée à Paris? Moi. Camille? Sandy? Non. Jamais? Gabrielle? Non. Non plus? Donc, le château de Versailles. Alors, c'était à qui, le château-là, il y a très longtemps? C'était à Louis XIV. Non. C'est lui qui l'a fait bâtir? Oui. Hmm. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu du château? Parce que vous avez déjà vu un petit peu des images. On a travaillé un peu sur cette période-là en classe avec Justine. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il l'avait fait pour quelqu'un en particulier ou... Non. Non. C'est pour lui? Oui. Oui, c'était pour lui. Ouais. Bon, de toute façon, on va pas trop en parler. On vous laisse découvrir quand vous allez faire le voyage. Et c'est quand le voyage? Du 28 au 28. Oui. Juin. Donc c'est bientôt, hein. Alors vous partez comment? En train. En train. Vous prenez le train où? À Nancy. Si. À Nancy. Ok. Ça va aller? Oui. Il ne faudra pas oublier de se lever le matin, hein, Zinedine. Hein? Ah oui, hein. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez prévu d'aller voir d'autres choses que le château de Versailles? Si. Vous allez faire le château de Versailles pendant 2 jours? Non. Alors, est-ce que vous avez prévu d'aller voir d'autres choses? Oui. Ah, vas-y, Zinedine. Vous allez voir quoi? Macron. Non. Oignon. Qu'est-ce qui est important de voir quand même à Paris, dont on parle, bah quand on parle de Paris, on parle de ça quoi. Ah, on parle de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Qui c'est qui a déjà vu la Tour Eiffel? Moi. Non. Camille. Gabriel. Jamais vu la Tour Eiffel? Non. Non, jamais. Ah oui, c'est petit. Non, elle est pas petite. Non, c'est très haut. Hein. Et puis à part la Tour Eiffel, autre chose? Il a aussi l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Excusez-moi. Ouais. C'est parce que c'est l'Arc de Triomphe, bah tu verras, Zinedine. Tiens, non. Et il y a aussi Notre-Dame de Paris aussi. Ah oui, oui. Bah là, elle est en rénovation, Notre-Dame de Paris. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Elle a brûlé. Elle a brûlé, Notre-Dame de Paris. Tu te rappelles plus? Ça fait combien, là, 2 ans, Régine? Bon, facilement, oui. Oui, à peu près. Hein. Avant la pandémie. Ah oui, oui. Ouais. Je ne rappelle plus qu'elle avait brûlé. Non. Ben voilà, donc elle est encore en reconstruction, il y a des échafaudages partout, puis l'intérieur qui a été pas mal abîmé, donc il y a du travail hein, avant que ce soit fini. Donc, ben oui, on n'aura pas trop l'occasion d'en reparler, puisque ce sera la fin de l'année. Hein. Mais bon, on vous souhaite quand même un bon voyage. Merci. Hein? Merci. Parce que là, vous allez voyager avec le sac à dos toute la journée. Hein, dès que vous êtes à Paris, le petit sac à dos dans le dos. Oh non. Si, Zinedine. Hein. Oh, oui. Donc, il va falloir suivre le rythme. Hein. Comment non? Non, ça, c'est une autre sortie, Gabrielle. Voilà, donc c'est bon pour Versailles. Oui. Hein, oui. On peut guère en parler plus, Régine. Hein. Non. Hein? Non, parce qu'ils attendent de voir. Voilà. Ouais. Donc, on va parler maintenant, tiens, de la MFR. Alors, qui c'est qui peut dire ce que... Bah, ceux qui sont concernés, surtout, hein, Camille et Sandy. Qu'est-ce que ça veut dire, MFR? Maison familiale rurale. Voilà, MFR. Alors, elle se trouve où, la MFR? À Saussure. À Saussure. Donc, la semaine dernière, vous y êtes allé pourquoi? Pour faire une immersion. Des immersions, oui. Donc, début de semaine, qui c'est qui allait? Moi et Christopher. Oui. Et après? Moi et Nicolas. Voilà, donc vous avez passé 2 jours, 1 nuit, chacun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je vous avais demandé, là, quand on a préparé lundi, de nous raconter un peu une journée type à la MFR. Parce qu'à la rentrée, vous êtes censé y aller. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Bah, déjà, bah, on mange super bien à la MFR. Ah, bah, ça, c'est important. C'est leur pas. Ça. On mange bien. Ça, c'est un atout, hein, quand même. Quand on mange bien quelque part, on a envie d'y aller, hein. Et puis alors, qu'est-ce que vous faites d'autre? On fait un petit peu de classe aussi. Voilà, vous allez en classe, ouais. Oh, comment? Là, vous y êtes allé? Vous êtes allé en classe, vous avez fait quoi? Travail. Du français, des maths? Moi, j'ai fait des maths le lundi. Des maths? Et toi, Sandy? Des maths aussi. Des maths aussi. Et puis ça va? Ça allait? Ah oui. Ouais, c'était pas trop dur? Oh, non. Non. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ben, il y avait aussi les pauses. Ah, il y a des pauses. Ah oui. Oui, mais entre les pauses, c'est quoi? On va prendre la journée type. Par exemple, je vous avais demandé à quelle heure est-elle levée le matin? 7 heures. 7 heures. Après, vous faites quoi? Ben, on s'habille. On s'habille, on déjeune. C'est à quelle heure le petit déjeuner? 8 heures. 8 heures. Il me semble, ouais, 8 heures. Donc vous avez 1 heure pour vous préparer, ça va? Oui. Ça va. Et après? Ça dure combien de temps le petit déj là? Je sais pas. Les cours commencent à quelle heure? Une heure après 8 heures. 9 heures. 9 heures, ok. Donc là, vous avez bien rempli le ventre, tout, vous êtes prêt à aller en cours. Alors, est-ce que vous avez, à part les maths, là, est-ce que vous avez fait des ateliers pratiques quelque part? Non. Non? Vous n'êtes pas allé en cuisine? Non. Vous êtes pas... Non. Et au moment des repas, vous vous débarrassez, vous avez des tâches? Oui, on a des tâches. Oui. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a des panneaux pour marquer, pour dire un tel fait ça et un tel fait ça, c'est ça? Comment vous savez, vous, que vous deviez faire ça? Qui c'est qui vous l'a dit? Un éducateur qui était là-bas. Ah oui. Ah d'accord, ok. Il y a beaucoup de personnes? Combien il y a d'élèves en tout? Là, à peu près, il y avait combien de personnes? Je ne sais pas. garçon-fille. Oui. Oui. Oui. Mais arrête, Nadine. Mais beaucoup, ça veut dire 10, par exemple. Plus que 10. Oui. Oui. Mais arrête. Il y en a un bruit. Ça fait du bruit. Plus que 10, parce que quand il y a une partie qui est à la MFR, l'autre partie est en stage. Donc on peut même doubler le nombre qu'on voit là. Ouais, je... ouais. Non. Donc vous êtes mélangés, garçon-fille. Donc ça permet de faire des rencontres. C'est bien aussi. Hein? Non. Alors est-ce que vous êtes avec des autres jeunes de l'IME? Est-ce qu'il y en a d'autres à l'IME qui y vont là? Oui. Oui. Qui? Non? Les prénoms, ça vous dit pas? Nathan, Steven, Juliana, tout ça, ça vous dit rien? Si. Ah, si, quand même. Et donc, je vous avais demandé comment ça se passait le repas. Est-ce que vous étiez servi à table? Est-ce que vous alliez. Est-ce qu'il y avait un self? Non, est-ce que... Un self? Oui, oui, un self. Alors, est-ce que vous avez le choix? Oui. Comme au collège, par exemple, entre plusieurs choses. Non. Non? Ben, on n'a qu'un seul plat chaud. Et puis, par contre, ben, on pouvait, ben, des fois, ben, choisir les salades. Ah! Donc, vous avez un peu de choix. Mmh. Oui. Le dessert, pareil. Oui. Donc, c'est bien. C'est bien. Et à table, vous mettez avec qui vous voulez. Oui. OK. C'est bien. Et vous m'aviez parlé aussi de veiller le soir. Mmh. Non, mais c'est bien. Donc, il y a un... Un veilleur. Oui, ça, c'est pour la nuit, mais il y a un foyer. Oui. Oui. Donc, vous pouvez tous aller au foyer, vous y retrouver... C'est ça? Oui. Ou alors, est-ce que vous pouvez rester dans vos chambres, comme ça, tout seul? Est-ce que vous avez le choix? Vous devez être tous au foyer ou vous pouvez être dans votre chambre? Ben, on a le choix. Vous avez le choix. Alors vous, vous avez préféré faire quoi? Rester dans votre chambre ou aller au foyer? Foyer. Foyer. Ça, c'est bien. C'est bien d'aller vers les autres. Vous étiez dans la même chambre? Elles n'étaient pas en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que vous avez déjà fait des plans pour la rentrée. Oui. Qui va être avec qui? Moi, Sophie. Et puis alors, Nicolas, il a prévu d'être avec Christopher? Je pense. Oui, ça va être ça. Mmh. Bon, vous vous retrouverez au moment des repas. Oui. Hein? Ah, c'est bien ça. Et donc, je vous avais demandé aussi à quelle heure c'est l'extinction des feux. 10h. 22h. 22h. C'est bien ça. Donc, 22h, tout le monde dans son lit. Et après, il y a le veilleur qui fait des rondes la nuit. C'est ça? Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a qui font le cirque la nuit? Bah, des fois, oui. Ah. Alors, c'est quoi faire le cirque la nuit? Ben, en fait, on avait entendu des garçons. Bah, parce qu'en fait, les garçons, en fait, ils dorment en haut. Et puis, ben, ils faisaient encore du bruit. Oh, c'est son crochon. Mais donc, le veilleur... Quand même, les garçons... Les filles. Quoi, là on parle des garçons? Ah, Zinedine, il dit les filles. Ah oui, t'as raison, Zinedine, défends-toi. Oui, les filles, des fois, t'as raison, hein. Oui. À voir. Mais hein? vous allez apprendre quel métier, par exemple. Tu as envie de quelque chose? Vous allez faire des stages, hein? Oui. Et toi, Camille? Je sais pas. Tu sais pas? Vous verrez sur place parce que vous faites. Différents stages. Oui. On va déjà vous laisser vous installer à la MFR, prendre vos repères. Bonjour. Et puis au bout d'un certain temps, vous pourrez faire des stages à l'extérieur. C'est bien ça, non? Ah oui. Alors, ça vous dérange pas de rester toute la semaine à la MFR? Non, vous êtes content? Oui. Oui. Mmh. C'est bien, ça. Et alors, l'autre, donc c'est 15 jours, 15 jours? Une semaine? Non, c'est une semaine. Et alors, l'autre semaine, vous reviendrez à l'IME? Bah, oui, s'il n'y a pas de stage, vous êtes à l'IME. Vous? Oui, quelqu'un? Oui. Oui, voilà. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Autre chose à ajouter pour la MFR? Non. Mais t'as pas été, toi, j'ai mis. Non, rien? Non. Eh ben, on va faire une première pause, Christopher. Bah, écoute, tu prends le suivant. Moi, j'ai pas... Un visite à moi? Bah, c'est Zinedine, je crois, là. Ouais, c'est nous. Voilà. Manino, ce matin, ça pulse, hein, les chansons, hein. Hein, Zinedine? Mmh. Tu as choisi la chanson-là, quand on écoutait, là, mais tu connais? Non. Ah, comme ça? C'est parce que ça allait vite et tout, que ça criait, c'est pour ça que ça te plaisait? Moi, non. Non, oui. C'est pas pour ça? Oh, oui. Ah, oui, ah, oui. Ouais, c'était une émission rock aujourd'hui, hein. On avait qu'un CD de rock, donc ils ont tous choisi sur le CD là. Voilà. Donc, le sujet suivant, c'était quoi? La SPA. Oui. Alors déjà, la SPA. Qu'est-ce que ça veut dire, SPA? À tes souhaits, Gabrielle. Je crois que je sais. Ah. Ça veut dire centre pour animaux. SPA. Alors, animaux, c'est juste. C'est un S, hein, c'est pas un C. S. Les autres, vous pouvez l'aider, hein? Comment pas D? Service. Ça pourrait être ça, mais... Tout le monde dit SPA, hein. On dit ouais. Pas. C'est société. Et le P? Protection. Protectrice. Oui. Les animaux. Oui, protection, parce qu'ils ont une mission de protection. Voilà. Les animaux. Donc. Abandonnés. Voilà. Donc, ça sert à quoi, la SPA? Vous avez donné des idées, hein, lundi. Hein. Boulot. Champ. Ça sert à quoi? Zinedine a bien du mal avec son micro. Oui. Hein, Zinedine? Quoi? Tu rigoles? Alors, qu'est-ce qu'on trouve à la SPA? Ben, on trouve des animaux maltraités ou abandonnés. Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une SPA? Non. Non? Alors, il y en a une qui n'est pas très loin, à Brouvelieure. Donc, on y trouve... qu'est-ce qu'on peut trouver, d'ailleurs, comme animaux à la SPA? Des chats, des chiens, et puis... Catégorie animaux, il y a que des chats, des chiens. Ah, bah, les oiseaux. Les oiseaux. Ça arrive, ouais. Les lapins. Des lapins, oui. Les chevaux. Les chevaux. Les chevaux, tu veux dire. Les chevaux, les ânes, oui. Ouais. Et tout à l'heure, Sandy, tu as dit les animaux maltraités, abandonnés, mais ça peut être aussi des animaux trouvés. Trouvés. Les animaux qui se promènent en ville, qui sont perdus, donc ils les ramènent à la SPA. Et alors, quand ils trouvent un chien ou un chat ou je sais pas quoi, et qu'ils le ramènent à la SPA, qu'est-ce qu'elle fait, la SPA? Elle regarde quoi? S'il est en bonne santé. Oui, oui, déjà, oui. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ils regardent s'ils sont inscrits aussi, s'ils ont les puces. Oui, identifiés. Oui. Parce que grâce à l'identification, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver? Le propriétaire. Le propriétaire, oui. Parce qu'il y a des animaux, des fois, qui se perdent et tout. C'est pas les propriétaires qui les ont abandonnés. Ils sont perdus et puis voilà. Donc, ils sont bien contents de retrouver leurs animaux. Oh, pourquoi vous êtes venu à ce thème-là? Parce qu'on parlait d'animaux, de tout que... Ouais, je ne sais même plus trop. Hein. Vous avez des animaux chez vous? Oui. Oui. Ah, oui. Quoi? J'ai un chien et deux chats. Ah oui. Et toi? J'ai trois chats. Un chat. Trois. Trois. Et chez toi? Non. Et chez toi, Zinedine? Zéro. Alors, est-ce que vous êtes allé les chercher là, les SPA? Non. Je sais pas. Ah, tu sais pas? Non. Que c'est une idée aussi, hein, d'aller chercher à la SPA, c'est bien, non? Ah, c'est puni. Alors, Sandy, elle me disait, c'est ton chat, hein, qui coûte très cher. Ah, ben, chartreux. Un chartreux. Ah, voilà. Ben oui. Donc, vous avez acheté le chat. Mm. Voilà. Mais, tu disais, moins cher que s'il était vendu chez un... par un propriétaire ou... C'est ça que tu disais, que vous l'aviez payé moins cher. C'est quoi son caractère? Il est gentil? Il a le poil doux déjà. Ah oui. Quelle couleur? Gris. Est-ce qu'il griffe? Je sais pas, mais des fois il a peur. Ah, il a peur de quoi? Du bruit, de... Comment tu vois, toi, qu'il a peur? Quand il recule. Ah, quand il recule? Oui, c'est vrai. Ah, alors il recule devant quoi? Devant le chien. Est-ce que toi, quand tu t'approches de lui, il recule? Un peu. Ah oui? Ah oui. Et le chien? Comment il est, le chien? Il n'a pas peur du chien. Parce qu'ils jouent ensemble. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est arrivé plus tôt que l'autre chez vous? C'est lequel qui arrive en premier? Tom. C'est qui, Tom? C'est mon chat noir. Le chat. C'est que tu m'as envoyé, ça. Ah, donc c'est le chat noir et après, qui c'est qui est arrivé? Molly. Molly, c'est la chienne? Oui, c'est mon chien. Et après, le chartreux? Ouais, mon œil. Ok. Alors, est-ce que tu connais le rage? Je sais pas. La chienne, elle a quel âge? À peu près? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Et toi, Camille? Est-ce qu'ils sont arrivés les trois en même temps ou alors un derrière l'autre? Pas en même temps. Alors, c'est lequel le plus vieux? Connaissez pas l'âge de vos animaux? Non. Non. Okay. Est-ce qu'ils sont tout le temps dehors ou est-ce qu'ils restent tout le temps à la maison? Parce que tout le temps dehors. Et ils rentrent le soir? Oui. Alors toi qui as déménagé, par exemple Camille, est-ce que les chats, ils étaient perdus? Oui. Ouais. Quand vous êtes arrivés, vous les avez pas lâchés tout de suite? Vous les avez gardés un moment dans la maison? Oui. Ouais. Et là, maintenant, ils sortent? Ouais. Vous n'avez pas peur avec la route? Non? Ils vont pas sur la route? Non. Ah oui, ils restent près de la maison. Oui. Ah ben ça, c'est bien. Hein? Quand même bien. Et toi, Sandy, s'éloignent beaucoup les chats, le chien? En fait, il y a... Que mon œil... Qui reste à la maison. C'est qui, mon œil? C'est mon chat gris. Ah oui. Ouais. Lui, il reste à la maison. Oui. Ah ouais. Puis les autres, la chienne et le chartreux, ils sortent. C'est Tom qui va dehors. Oui. Ah oui, c'est Tom, pardon. Oui. Tom, ok. Alors lui, il sort dehors, il rentre le soir pour dormir. C'est un peu ça. Et puis le fait que vous ayez des animaux comme ça à la maison, est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent les voir? D'autres? Oui, quand ils sont dehors, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui viennent les voir? D'autres chats, d'autres chiens? Non, je sais pas. Non. Il n'y a pas de chats près de chez toi, des autres chats, des autres... Non? Par exemple, les chats de Nicolas, ils vont pas voir les chats chez toi? Ils sortent pas? Non, parce que les chats de Nicolas, ce sont encore que des chatons. Ah, d'accord. C'est que des chatons. Et toi, personne, pas d'autres chats qui viennent? C'est bien. Gabriel, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet? Zinedine. Alors, Zinedine, tiens, toi qui n'as pas d'animaux, est-ce que tu aimerais avoir un chat ou un chien? Oui. Oui, tu aimerais? Oui. Tu préférerais un chat ou un chien? Chat. Un chat. D'accord. Et donc, non? Maman, elle veut pas? Non. Elle aime pas les chats? Oui. Ah, ouais. Avec quatre garçons à la maison. Oui, il remarque le pauvre chat. Et puis la pauvre. Oh. Chat, la maman aussi. Il ferait une fugue, le chat. Hein, il se sauverait, Zinedine. Oui. Ah bah oui, hein. Et toi, Gabriel, t'aimerais avoir un chien ou un chat? Miette. Comment? Miette. Non. Bon. Pas si, hein. T'aimes pas les chiens, mais est-ce que tu aimes les chats? Oui. Ah. Est-ce que tu aimerais en avoir un? Non. Non. Oh, mais j'ai plus un chat, moi, j'ai plus ça. Bah, c'est comme ça, Zénéline, tu vois. Oui, c'est gros, il y a ce chien, moi. Alors, Régine, avez-vous un animal? Oui, ah, un chat. Un chat. Eh, lui, il sort et... Ah oui, elle sort beaucoup. Elle attrape des souris. Ah. Elle les ramène à la maison, ça, c'est moins rigolo. C'est des cadeaux, Régine. C'est des cadeaux, il faut la sortir vite quand elle a une souris, parce qu'elle la ramène vivante et... Oh. Bah. Et elle joue avec, et la souris, parfois, elle va sous les meubles. Ah. Alors, on est embêté, il faut qu'on cherche la souris après. Ah. Et vous n'avez pas des cadeaux comme ça, de vos si. Chats? Ah si, toi aussi. De Tom et puis même bah, qu'une fois bah, il l'avait ramené un oiseau. Oui. Les chats attrapent beaucoup les oiseaux, hélas. Ça, c'est dommage, hein. Ben oui, parce que les oiseaux, c'est beau. Quand ils attrapent les oiseaux comme ça, il faut essayer d'attraper le chat puis d'enlever l'oiseau. C'est pas toujours facile, hein. Si, ouais. Hein, s'il n'est pas mort, l'oiseau, il faut essayer de le sortir de là. Il faut les gronder quand ils attrapent les oiseaux. Mmh. Ah ben, à chaque fois ben, qu'il attrapait une souris, ben, elle était ben, toujours morte. Ouais. Mais les oiseaux? Ben pareil. Ah pareil. Mmh. Ben oui. C'est des joies hein, d'avoir des chats, des Camille, chiens. Camille, tu les regardes attraper des souris aussi? Tu les as déjà vus attraper des souris? Oui. Oui. Hein. Ils sont malins, les chats. Hein. Ils sont capables de rester des heures couchés à regarder et à attendre. Hein. Ben oui. Hein. Autre chose sur la SPA? Non. Non. Eh ben, on refait une pause avec la chanson de... Moi. Camille. Mmh. Allez, Camille. Thank you. La chanson de Camille. C'était apaisant. Non, apaisant, c'est à moi. Oui, après, ce sera la tienne, Gabrielle. Mais toi, ça va bouger. Ça va bouger, tu dis ? C'est ça que tu dis ? Oui ? Ah, ben, c'est bien. Tu l'as choisi pour ça, de toute façon ? Oui. Pour que ça bouge un petit peu ? C'est ça ? Allez, dodo, moi. Allez. Bon. Alors, on avait parlé aussi de quoi ? Parce qu'à la rentrée, il va y avoir des mouvements là, sur le groupe. Hein. Non. Mais si. Ah non. Toi, rien ne change pour toi. Si. Est-ce qu'à la rentrée, tu vas rester sur le même groupe ? Non. Bah non. Qui c'est qui va changer de groupe aussi ? Moi. Pas moi, ouais. Non. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez... grandi. Grandi. Et puis là, bon, on a fait un petit peu le point sur les âges, hein. Par exemple, Sandy, tu as quel âge ? 15. Ouais, tu auras 16 quand ? Le 9 septembre. Ouais. Donc à la rentrée. En bas. En bas. Moi ? Et toi, Camille ? Tu auras 16 quand ? Le 19 octobre. Voilà, donc à la rentrée, boum, en bas. Et toi, Zinedine, tu as quel âge ? 15. 15. Zinedine, il vient d'avoir 15 ans. Donc à la rentrée. En bas. En bas. En bas, ouais. En bas, non. Alors, toi, tu as quel âge, Gabriel ? 2 ans. Combien ? 2 ans. 2 ans ? Non. Oh là. Non. Oh. Non, c'est toi. T'as 14. C'est ouais. Ça ? Tu auras 14 ans. Non, tu as eu 14 ans, Gabriel. Il est normalement. Ouais. En bas. Mais toi, non. Tu vas pas tout de suite en bas. Pour toi. Il faut attendre l'année prochaine, et Gabriel. En bas, bon. Bah, des fois, tu vas un petit peu en bas, au jardin, tout ça, avec Benoît. En bas. Ouais, mais en bas, c'est pas tout de suite. Gabriel. Allez, en bas. Et toi, alors, Zinedine ? Non. Tu vas être avec qui à la rentrée ? Est-ce que tu seras avec Camille et Sandy ? Non, Mouti. Non, déjà, t'as pas le même âge. Avec Timothée. Voilà. Toi, tu seras avec Émilie et Géraldine. Oui. Ainsi que Timothée. Oui. Émile. Émile. Oui. Christopher. Christopher. Il est sur quel groupe à la rentrée, Christopher ? Ensemble, le groupe MFR. Le groupe MFR, ouais. Et puis, Jason. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ça te convient ? Oui. Oui. Tu es des garçons. Ouais, oui, oui, oui. Donc, Timothée, hein, on a dit, bah, il aura 16 ans aussi. Zinedine, d'aucun. Vous voulez parler des professionnels aussi ? Justine, elle a quel âge ? 30 ans. Ouais. D'ailleurs, Justine, qu'est-ce qui va se passer là début elle juillet ? Elle va se marier. Oui. Elle se marie. Elle va dire oui. Et Benoît ? 35. Voilà. Quand il se marie pas ? Non. Non, je crois pas que c'est prévu. Je plaisante. Après, il y a Alexis. Alexis, il aura quel âge ? 13. 13 ans, ouais, au mois d'octobre. Marion ? 36. Ouais. On avait noté Elodie aussi, Elodie 40. Qui vient voilà, de temps en temps sur le groupe. Oh. Nicolas ? 16 ans. 16 ans, Nicolas qui venait à la radio ? Il vient plus. Non. Alors, Mathéo, un petit nouveau qui est arrivé cette année. Alors, 13. A... Combien ? 13. Non, il a 12. Quoi ? 12 ? 12. Oui, il aura 13 fin d'année, au mois de décembre. Puis Gabriel et Christopher. Christopher, c'est le plus âgé, pratiquement. Ouais. Il va avoir 17 ans. Ouais. Ouais. Je pense. Et les années passent vite, hein, mine de rien. Hein. Il s'est tapé une visite. Hey, les barbecues ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis alors, est-ce que vous pouvez dire là qui c'est qui est arrivé comme petit nouveau ? Là, qui font des immersions en ce moment ? Il y a Logan Masson. Ah oui, mais ça c'est à la CIFPRO. Mais on dit pas le nom de famille. Oui, on dit pas le nom de famille. Ah mince ! Ouais. Non, sur notre groupe là, actuellement, qui c'est qui est arrivé, qui vient en immersion ? À part Mathéo, il y a qui ? Qui vient les lundis et jeudis ? Armand. Voilà, Armand. Armand qui a 12 ans. Et puis ? à la rentrée, par exemple, qui c'est qui est prévu de venir sur notre groupe, qui est sur le groupe des petits Claire. Claire, Alexandre, Florian. Voilà, trois. Pas toi, pas Claire. Mais si elle vient. Ah, Claire. Voici Claire, oui. Ah, et hop. Non, tout est midi à moi. Et il y a un autre jeune encore, qui vient pas le lundi, mais les autres jours. C'est qui? C'est qui? Bah, il doit être transparent, hein, parce que si vous l'avez encore pas remarqué. Et c'est plus. Ça commence par un B. Bastiano. Bastiano. Voilà. C'est mon pote. Ah bah voilà, et puis tu te rappelais plus. C'est ton pote et tu sais plus. Et il a quel âge? Il a quel âge? 100. Je sais pas. 13. Ah bah oui, ça va avec c'est toi. C'est mon pote. C'est bien. Voilà, donc un bon petit groupe à la rentrée. Hein. Oh, c'est mon pote. Que, bah, des cravins. Voilà, oh. Mais plus jeunes. Des cravins. Oui, oui, vous travaillez, bien sûr. Ouais, ouais. Mm. Pas des pâtes, pas télé, pas des sapins, des sapins, boulot, boulot, boulot, boulot. Ouais, pas la Est-ce Camille. Est-ce que tu viens aller me pour regarder la télé, toi? Non, c'est pas prévu, pas ça. La Camille. Boulot, boulot, boulot, boulot. Oh, pas là. Et puis les dessins, je trouve que tu en fais de moins en moins. C'est maudit, ça. Et ça, c'est bien, Gabriel. Ben là, il a fait un bon gros effort. Hein. Mm-hmm. C'est bien, Gabriel. Si, un peu de dessin. Oui, mais... Non, moi, je trouve que tu joues plus avec les autres. Et ça, c'est bien, Gabriel. Non, il y a des dessins. Ah, j'ai dit, ah bon, ouais. Non, de sa maison, moi. Et moi, y'a ah bon. Bah, si tu as envie à la maison, dit, c'est bien. Y'a bon, moi. Parce que ça te détend aussi, Gabriel, hein? Pas la Camille. Ah, tout est musique. Ah. Pas la Camille. Attends, Valmont. Christopher, on avait commencé à quelle heure l'émission? 16. Ouais, voilà, il reste 3 minutes. Bon, est-ce qu'on peut faire le cadeau à Gabriel de passer sa chanson? Oui, on va un petit peu déborder. Oui. Voilà. C'est pas grave. Merci Christopher, parce qu'il a patienté, donc c'est normal. Hein. C'est cousu. Pour toi, Gabriel. Oui. Same routine since 9. Voilà. Eh bien, merci Camille. De rien. D'avoir fait la doublure des cranberries en direct. Chantez-moi. Et un petit peu Gabriel. Bravo, ben, on pourra refaire ça la prochaine fois. Ah ça oui, vous dit de chanter. Il faut que vous pensiez à une chanson que vous connaissiez bien. Et puis voilà. Eh bien, on rend l'antenne hein, parce qu'on déborde. Merci Christopher d'avoir merci été là aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Et bonne semaine à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Papa, j'aime bien chanter. C'est bien, Gabriel. Il a chanté, oui. Il pourrait faire ça. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire.